Maurice qui a un message très important à nous communiquer, c'est ça, Maurice, hein? Ouais. Patate. Allô, allô, allô, ouais, ça marche, essai, test, micro, 1, 2, test, patate chaude, patate froide, patate tiède, on essaye, on fait pas, patate purée, purée, on s'en sort pas, patate. Ironique, onirique et pourquoi pas comique, politique, mais aussi sémantique, la patatose. La patate, patatose. La patatose. La patatose. Un petit bonjour à nos amis belges, la patatose. Wesh, wesh. La patatose. Just for once. Tonight. You say it's better if you don't try. Oui, la patatose. Elle écrivait et maintenant elle vous parle à la radio primitive. Mais qui sommes-nous ? Des frites ? De la purée ? Des rostis ? Non, pas du tout. Nous sommes ceux qui ont perdu le Nord. Les déjantés. Les barrés à l'Ouest. Des hommes et des femmes et des aliens. Ou des soignants et des soignés. Ou alors des patients, pas patients, voire impatients. Du centre Antonin Artaud à Reims. Pendant quelques années, la patate a écrit dans l'entre-nous. Bouillonnante d'idées. Croustillante. Mijotante. Elle a évaporisé. Elle a frit, doré, émulsionné. Cramé, réveillé les papilles. Elle a pétillé, fermenté, levé. Marmottée dans les marmites. Elle a mitonné. Puis elle a refroidi, ramolli, rassi, moisi, grumelé, tourné, et elle est repartie. Ça, c'est l'esprit de la patate. Aujourd'hui, la patate veut dire... Parée de ses plus beaux textes, musique, poèmes, la voilà qui se présente devant vous. Elle a quitté sa robe d'intérieur et joue sa macha. Pour vous, auditeurs, elle sera révoltée. Enthousiaste. Nostalgique. Politique. Mais jamais anorexique. Découvrez là notre patate. Sa chair est tendre. Délicate et subtile. Avec une note corsée, poivrée. Mais toujours authentique. You know it's my fantasy. Le hammam, c'est un endroit où l'on se lave, il y a beaucoup d'eau, de la vapeur, la porte est fermée, on voit beaucoup de femmes qui se lavent, on met le rasoul sur les cheveux, un gros caillou qui frotte les pieds et les mains, des femmes qui frottent le dos des autres femmes pour avoir une belle peau, il y en a qui se maquillent, on peut dormir 5 ou 10 minutes pour se reposer après s'être lavé. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Donc, voilà des pommes de terre. Vous étiez ici l'espérance. Voilà des herbes de Provence. Vous étiez une femme de foi. Voici des textes racontant la foi. Puisque vous nous quittez, notre cœur est meurtri. Donc voilà des radis, brocolis, salsifis et raviolis. Votre absence va nous rendre fous. Voilà de Bruxelles, des choux et des bijoux. Depuis que nous savons que vous allez partir, cela nous a chamboulé. Voilà du taboulé. On ne sera plus serein. Donc voilà des plats cuisinés William Sorin. Sans vous, l'on ne sera plus, on sera là. Voilà des fraises, des chocolats. Sans vous, l'on sera tout flagada. Voilà des fraises tagada. Votre départ nous donne des secousses. Voilà du couscous. Vous décidez d'aller vers d'autres prés verts. Voilà du thé vert. Yes! Alors, je vais vous passer une chanson d'un groupe fictif qui est monté dans un film Bus Palladium. Et la chanson s'appelle Baby Jane. C'est l'histoire d'une petite, c'est l'histoire. Ces histoires-là sont toujours inquiètes, toujours un peu les mêmes. Elle était belle comme un souffle, folle à se brûler les ailes. Et je vivais doucement dans son trouble, je me serais damné pour elle. Bonjour Thomas, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je viens pour l'horoscope. Ah bon, d'accord. Bon, alors on y va. Bélier. Profession, est-ce bien utile de travailler, hein? Vraiment? Vous croyez? Bon, comme vous voulez. Santé, mais avec du café. Santé, café, c'était de l'humour. Bon. Cœur, dans la cage thoracique, entre les deux poumons. Capricorne. Profession. Faites pas comme si ça vous intéressait. Hein. Santé. Je vois bien que vous faites semblant d'y croire. Cœur. Ah, là par contre, on écoute, hein. Eh ben, je dirais rien. Scorpion. Oh, vilaine bête. Cancer. On vous a dit d'attendre votre tour. Oh là là. Oh, la balance, c'est moi. Profession funambule, cœur, vous trouverez l'équilibre. Santé, ne perdez pas de poids, n'en prenez pas non plus. Taureau. Profession, vous bossez comme une bête. Santé, évitez les cafés au lait et cœur, vous verrez rouge. Sagittaire. Profession stagiaire, santé sanitaire, cœur, il est sage de se taire. Poisson. Profession commandant Cousteau, santé se baigne, cœur, bonne entente avec les Verseaux. Alors le cancer. Vous m'avez vraiment pris pour Madame Soleil. Au fait, et les Gémeaux? Mais ça va pas, non? Mais, et les Gémeaux? Les Gémeaux. Profession, j'ai mal. Santé, j'ai du mou. Cœur, j'ai des mots. Mr. Corbac et Master Fox. Mr. Corbac, sur sa perche chez Père, tenait dans sa putain de gueule une connerie de fromage. Master Fox, par l'odeur de ouf scotché, lui claque à un speech à peu près comme as. Wesh, du Corbac, t'as de la gueule, gros. Quelle classe. Franchement, si tu brailles autant que t'es un boss, je crois bien que t'es le roi de ta branche. À ces mots, il se sent plus pisser, le Corbac, et pour montrer sa voix à deux balles, sa putain de gueule, il l'ouvre et il pomme son casse-dalle. Master Fox le charrie et lui dit « Oh le blaireau, comment je t'ai bien niqué la gueule sur ce coup-là, avoue que t'es deg, baltringue. » En effet, il est deg, il a soudainement envie de flinguer le Fox, mais en fait, que dalle. Il jure cependant que ça lui arrivera plus. Voici un petit extrait du film magique de Philippe Muil, dont la bande originale a été composée par Kali le chanteur, qui est ici aussi acteur. Il s'agit d'une comédie musicale où il joue le rôle d'un artiste circassien. Le morceau que j'ai choisi de vous présenter s'intitule « L'un n'empêche pas l'autre ». Il est interprété dans le film par Marie-Renée Patry et Natasha Thompson, qui développent le thème des contraires. Je vous laisse apprécier. Petit et beau, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le soleil et la pluie, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a le blanc, il y a le noir, un côté ou l'autre du miroir, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a l'hiver, il y a l'été, l'un n'empêche pas l'autre d'exister. Il y a le rire, il y a les larmes, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a le doux, il y a le dur, il y a le clair et puis l'obscur, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a le fort, il y a le faible, il y a la terre et le ciel, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a l'amour, il y a la haine, il y a la joie et puis la peine, il y a le chaud, il y a le froid, il y a le doute et la foi. Ah, l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Inspiration, ma vie. La nuit, tu m'inspires. Le jour, je t'aspire. Confrontons-nous pour trouver une fois le jour, une fois la nuit, un moment à nous. On est né sous le soleil, bonjour matinée. Ne jamais rien lâcher. Que faire maintenant? Subir le système? Se relâcher, prendre le temps d'apprécier la vie et réagir sur les termes et contraintes subies. Comprendre les changements et les respecter. Eval. Ma nourriture, elle m'a connue toute petite. Elle a grandi avec mon appétit. Elle me nourrit chaque jour. Pitié, ma nourriture, ne me délaisse jamais parce que tu m'as appris à exister. Elle était belle, pure, en maillot de bain blanc. Elle désirait rentrer avec un prince charmant. Elle avait une demeure, des vignes, un pur sang. Elle voulait juste l'embrasser. Mais c'était trop. Et il repartit. Jean de La Fontaine. Quand j'ai vu Marguerite, ça m'a fait comme un bras d'honneur. La soumission qui dit « je n'ai ni Dieu, ni maître, ni quoi que ce soit », c'est comme un doigt levé bien haut à tous les dieux, tous les suppôts. C'est solidaire des travailleurs, puis c'est la liberté du cœur, quand on va pointer à sa porte, sûr qu'on est tous un peu chômeurs. Et moi qui suis là comme un con, à effeuiller les pétales de tulipes et de camélias, de roses et puis de lilas, Marguerite, elle est belle, comme un accident de bagnole, comme un poids lourd qui a pu les freins. Quand j'ai vu Marguerite, je me suis dit quel prénom étrange, puis c'est pas vraiment la saison à faire l'amour dans les champs. Moi mon cœur est chrysanthème et mon âme est triste. Quand j'ai vu Marguerite, Marguerite m'a dit t'approche pas trop de moi, moi j'ai pas écouté, tu vois. Et je suis là comme un con à effeuiller les pétales de tulipes et de camélias, de roses et puis de lilas. Quand j'ai vu Marguerite, je me suis dit elle sort de celle-là. C'est quoi ce prénom à la con, sorti du fond d'un autre temps. Puis moi j'aime pas bien les fleurs, puis j'aime pas ceux qui sont bons. Je préfère les pétards aux pétales et un peu la boisson. Marguerite, c'est mes côtes chies, c'est mes côtes fautes, c'est mes côtes blues. C'est pas vraiment un bon coup, mais c'est dans le mille à tous les coups. C'est comme un parfum de nocturne qui aurait le goût d'élever du jour. Parce qu'elle dit jamais je t'aime, parce que sans équivoque aucune. La liberté au bout des doigts, entre le marteau et l'enclume. C'est la luciole au fond des nuits, c'est comme rouler sans le permis. La Marguerite, la Marguerite, la Marguerite, la Marguerite. Quand j'ai vu Marguerite, ça m'a fait comme un bras d'honneur. L'insoumission qui dit je n'ai ni Dieu ni maître, ni qui que ce soit. Comme un doigt levé bien haut tous les dieux, tous les suppôts. C'est le solidaire des travailleurs, puis c'est la liberté du cœur. Quand on va pointer à sa porte, sûr qu'on est tous un peu chômeurs. Et moi qui suis là comme un con à effeuiller les pétales de tulipes, de camélias, de roses et puis de lilas. Marguerite, elle est belle comme un accident de bagnole, comme un poids lourd qui a plus les freins. Marguerite, elle est folle, et c'est vrai que moi j'aime bien quand elle fait voler les assiettes, quand elle me fait péter les plombs, qu'elle dit qu'elle aime pas mes chansons. Marguerite, c'est mes coups de jet, c'est mes coups de faute, c'est mes coups de blues. C'est pas vraiment un bon coup, mais c'est dans le mille à tous les coups. C'est la luciole au fond des nuits, oui sur la chaussure c'est la pluie. Marguerite, c'est mes nuits noires, c'est mes nuits rouges, c'est mes nuits blanches. C'est comme un train qui s'égare, mais qui s'arrête pas dans les gares. C'est la luciole au fond des nuits, c'est comme rouler sans le permis. Marguerite, c'est pas la bonne, mais putain qu'elle est bonne. Presque aussi bonne que Marie, en un peu moins putain aussi. J'en ferai bien ma religion, j'en ferai bien mon horizon. C'est sûr que je peux mourir demain tant qu'elle m'habite entre ses reins. Elle est comme un bateau de pirate, comme un chien qui a mal à la patte. Marguerite, elle a le goût de la mer, elle a la fraîcheur des rivières. Elle a l'ivresse de la vodka, la folie de la tequila. Elle est est un peu mexicaine, un peu française aussi. Elle est tout ce qu'on veut qu'elle soit, tous les possibles au bout des doigts. Elle t'emmène de l'autre côté de la terre jusqu'quand elle ouvre les paupières. Marguerite, c'est mes coups de jus, c'est mes coups de foudre. Marguerite, c'est mes coups de jus, c'est mes coups de foudre. C'est mes coups de foot, c'est mes coups de blues. C'est pas vraiment un bon coup, mais c'est dans le mille à tous les coups. C'est la luciole au fond des nuits, c'est comme rouler sans le permis. Marguerite, elle est belle comme un accident de bagnole, comme un poids lourd qui a plus les freins. Marguerite, elle est folle. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand elle fait péter les assiettes, quand elle me fait péter les plombs, qu'elle dit qu'elle aime pas mes chansons. Chère patate chaude, j'ai constaté dans le numéro 11-12 sur mon article sur Pékin 2008 que ma phrase, la dernière phrase, a été tronquée. Il fallait lire, selon ASICS, Anima Sano in Corpore Sano. En fait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Grosse erreur! Ma phrase tronquée de Anima Sano in Corpore Sano n'a plus aucun sens. Je suis extrêmement déçue. Et sachez que je vais résilier mon abonnement à votre publication. Et ce n'est pas des paroles en l'air! Non, c'est pas sérieux, je plaisante. Réponse de la patate chaude révoltée. Tout le monde ne connaît pas le latin, et moi qui suis une simple binge, je n'ai pas pu déchiffrer votre langue châtiée. Et puis vous auriez pu venir avec nous, pauvre patate prolétaire, corriger et sortir des photocopies, au lieu de critiquer le petit personnel. Recette de patates sautées. Patates sautées, patates pelées, coupées en dés, oignons émincés, un peu grillés, dans huile chaude retournée. Patates salées, un peu de poivron, c'est la liberté. En vert et rouge, c'est bon de manger de la patate sautée. Trust me! Il y a encore quelqu'un ? Vous êtes encore là ? Bon, ça vous a plu ? Alors à la prochaine. Si vous venez pas, nous on sera là. On n'est pas prêts de nous faire taire. Cette émission a été réalisée avec la patience de la chef monteuse Sophie, et aussi avec les textes et les propositions musicales de Frédéric, Kardèche, Aurélien, Fatima, Thomas, Sébastien, Béatrice, Mélanie, Alice, Céline... Elle vous a été présentée par Fred, Nathalie, Françoise, Sophie, Kardèche et Christelle.